Ensuite, il y a eu grogne. En fait, là, je me rends compte vraiment qu'il y a, j'ai des sortes de périodes de game design où je fais tout pour m'éloigner du milieu originel et des périodes de game design où je fais tout pour m'en rapprocher, quoi. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire un jeu qui soit un peu tactique, où on refait voilà, des personnages qui se démerdent face à un univers balèze et qui s'en sortent bah, comme ils peuvent, quoi, en mode survivaliste et tout. Ça, c'était pour reproduire certains personnages qui avaient été joués dans les premières campagnes, notamment le balafré, voilà, qui était ce qu'on appelait un gros standalone, qui était vraiment en mode survie. Tout était réfléchi pour la survie, il avait optimisé son personnage de ouf, et ainsi de suite, quoi. Et puis en même temps, c'est à l'époque où tout le monde, y compris moi, on commence à s'intéresser à l'old school Renaissance, c'est-à-dire les jeux inspirés de Donjons et Dragons Boîte Rouge. Et donc voilà, moi aussi je cède un petit peu à la mode du moment et je m'y intéresse pas mal. Et je me suis dit, ah ouais, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire de l'OSR. Dans Millevaux, quoi. Faire du donjon dans Dragon Boîte Rouge dans Millevaux. Le problème, c'est que je sais pas juste prendre un système et puis le migrer dans un univers. Enfin, si, je l'ai fait avec Millevaux Sombre et un petit peu avec l'Appel de Cthulhu, mais aujourd'hui, je sais plus le faire, quoi. Et donc, juste dire, ouais, on prend les quatre classes de personnages, le D20, le Taco, enfin, en grosso modo, on prend les règles de D&D Boîte Rouge et on les colle sur l'univers de Millevaux. Je sais pas faire, quoi. Puis même, à la rigueur, j'avais la flemme parce qu'en fait, il faut être très, très honnête, les règles de D&D Boîte Rouge, je les ai jamais lues, quoi. Finalement, j'ai juste une connaissance un peu romantique de la chose, quoi. Voilà, j'ai joué une fois à Donjons et Dragons Boîte Bleue avec Eric Nieudan. Voilà, puis bon, sinon j'ai une connaissance en lisant des articles, tout ça, quoi. Mais en fait, ça me lourdait d'aller récupérer le corpus de Donjons et Dragons Boîte Rouge, le lire et puis voir ce que j'allais récupérer. Donc la flemme a fait que je suis parti sur quelque chose qui avait plutôt l'esprit OSR et pas trop la lettre, hein. Au début, c'était un système sans dés, avec tout était basé sur 9 caracs et qui étaient érodés au fur et à mesure. Donc il y avait un système de décompte de points. À chaque fois que tu faisais une action, il y avait plein de points à décompter. Je pense qu'on sentait un peu l'ambiance gritty, mais c'était une usine à gaz. Mais j'ai fait des parties avec ce système qui n'était pas si gritty que ça, parce que dès que tu avais des joueurs un peu bagou. Bah, il te faisait passer des effets de ouf, voilà, juste parce que il l'amenait dans la narration, ça paraissait logique, et donc du coup il te faisait des trucs un petit peu héroïques, alors que je voulais plutôt du badass survivaliste. Alors j'ai changé de système à chaque partie, j'ai changé de système, et honnêtement j'ai jamais été satisfait. Donc tant et si bien qu'il y a une première version d'Emprunt Errola qui est sortie, qui est toujours en version brouillon, hein, sur le blog. Bah, c'est la première version avec les dépenses de points, quoi. Il y a plein d'idées dont je suis content dedans, hein. Notamment ce que j'aimais bien, c'était tout découper par round, et puis mettre en place un flux d'adversité, bah, en mode OSR justement. Ouais. Même si l'OSR ne découpe pas tout par round, hein, ils utilisent les rounds que pour les combats. Mais bref, je suis pas arrivé à ce que je voulais. Le jeu, je l'ai un peu enterré, je suis passé à d'autres projets. Mais je pense que je vais le déterrer parce que là j'ai repris des notes et je pense que je vais repartir sur un hack de Inforenza. Me rapprocher un peu plus de principe d'aspect à la Fate où les personnages, je pense, auront des avantages et des défauts. Et en fait, les avantages leur permettront d'avoir des dés contre l'adversité et les défauts, c'est l'adversité qui s'en servira pour avoir des dés contre eux. Et puis pareil, les adversaires seront définis aussi par une colonne avantage, une colonne défaut. Et puis sinon, on sera sur le système d'Inforenza. La différence aussi, c'est que les adversaires du coup pourront lancer des dés, alors que dans Inforenza, les adversaires lancent pas de dés. Voilà, j'ai commencé à prendre des notes là-dedans, il faudrait que je teste. L'autre arlésienne en fait de Emprunt Errola, c'était de faire du jeu de rôle tactique, mais vraiment tactique, avec notamment utiliser le cerveau des joueuses plutôt que les compétences des feuilles de personnages. Et je voulais le faire sans préparation. Pourquoi sans préparation? Parce qu'en fait, j'en ai marre d'écrire des scénarios. J'en ai fait pour Sombre. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est un exercice, peut-être parce que je l'ai trop fait, justement. C'est un exercice qui me fatigue désormais. Aujourd'hui, ce qui m'éclate, c'est d'improviser de quasiment de A à Z. Donc, du coup, je voulais faire un jeu qui le permette, qui permette de jouer en impro totale. Je dois constater que bah, j'y suis pas arrivé pour le moment. Et donc, voilà, c'est rangé. Après, j'ai plein de pistes. Peut-être qu'à la rigueur, maintenant, j'ai plutôt le problème d'avoir trop de pistes. Et du coup, je sais pas sur lesquelles me fixer. Donc, Emprunté Orla a été renommé au passage. Il s'appelle Grogne parce que Emprunté Orla, c'était vraiment un clin d'œil à l'OSR. Où justement, le titre en quelque chose et quelque chose comme Donjons et Dragons, quoi. Aujourd'hui, j'ai renommé Grogne parce que je me suis vraiment éloigné de l'esprit OSR, plutôt pour me concentrer sur un esprit tactique. Donc voilà, Grogne reviendra. Ensuite, il y a eu Milvo Mantra. Alors, Milvo Mantra, il est super particulier parce que c'est une commande déjà. Il y a Batronomant qui sort un jeu de multivers qui s'appelle Mantra et qui me dit, est-ce que tu veux pas écrire un supplément? Voilà, et moi je dis d'accord parce que de toute façon vous avez laissé entendre que j'étais disponible en tant que consultant sur les univers de Milvaux, donc ça faisait complètement partie entre guillemets de mon offre de service. Et donc je lui dis banco, je lis Mantra, on discute ensemble et en fait on change notre fusil d'épaule puisqu'au début c'était juste un supplément de contexte. Grosso modo, Milvaux allait être défini comme un univers pour Mantra quoi, et je me suis dit bah on peut faire mieux. Enfin, on s'est dit, hein, on s'est mis d'accord là-dessus. Et du coup, c'est devenu un jeu à part entière déjà. Milvo Mantra, c'est un jeu qui peut fonctionner tout seul sans que tu dises Mantra et sans que tu dises Milvo. Même si les lire, ça va t'aider, quoi. Et grosso modo, effectivement, on garde de Mantra, on garde le multivers, puis toute la mythologie qui est autour. Il y a des dieux qui se font la guerre, tout ça. Et puis on garde l'esprit très Jodorowsky, en fait. De mantra, qu'on garde vraiment ouais, la couleur, l'ambiance de mantra. Et on mixe avec Milvaux dans le sens où on dit, bah, en fait, la forêt de Milvaux, elle a commencé à envahir tous les univers. Donc en fait, si tu veux, c'est une sorte de multivers Milvaux. Et là, c'est pareil, très très libérateur pour moi. Je fais notamment une table des mondes forestiers où il y a 36 en fait itérations Milvaux différentes. Et là, ça me permet de vraiment acter, de vous dire, bah, de toute façon, Milvaux, il a 1000 visages. Donc le côté c'est la France en 2400 envahie par la forêt avec juste deux trois enclaves forêt européenne du coup ça c'était juste une vision de Milvaux mais en fait il y en a plein plein plein plein plein. Tu peux faire du Milvaux aztèque, tu peux faire du Milvaux SF, tu peux faire du Milvaux médiéval, du Milvaux antique, du Milvaux contemporain, enfin, tout est possible quoi. Et niveau mantra, j'en suis très content. Hein. Pourtant, alors je sais que j'en fais pas autant la pub que je devrais, parce que moi, honnêtement, ce qui fait la pub d'un jeu, c'est sortir des comptes rendus de partie. Enfin bon, il y a peut-être d'autres façons de faire la pub d'un jeu, mais moi, je sais faire que comme ça, quoi. Et c'est vrai que mantra, j'ai sorti un compte rendu de partie. Alors là, j'ai refait une partie récemment. Donc il y a un deuxième qui va sortir, partie qui était de ouf, hein, d'ailleurs. Il s'appelle Oedipos. Tout simplement parce que, si tu veux, comme j'étais parti, j'ai mixé le système de mantra et puis mes propres idées système que j'avais pour partir de Inforenza, de Marchebranche, tout ça. Et donc, je me suis très vite calé sur un système. J'ai eu besoin que d'un playtest. Et encore, le playtest, il n'a pas apporté grand-chose. Il m'a juste permis de vérifier que ça marchait. Et grosso modo, je suis très vite arrivé à un jeu qui tournait bien. Alors. Dans un article sur Inforenza, j'avais dit si vous playtestez, si vous pensez comment? Si vous playtestez beaucoup, c'est que vous ne playtestez pas assez, quoi. Grosso modo, j'avais fait une sorte de promo du playtest intensif parce qu'au moment où je suis sur Inforenza, j'ai fait 30 playtests et en fait, je regrette de ne pas en avoir fait plus parce que ceux que j'avais fait après avaient apporté de nouvelles choses pour le jeu, tant et si bien qu'il y aura un Inforenza 2 en fait qui sera le fruit de tous ces playtests. Mais pour autant, bah, quand j'arrive sur Milvaux Mantra, les choses sont différentes parce que j'ai beaucoup plus d'expérience, même beaucoup plus d'expérience. Je joue beaucoup plus souvent qu'avant, quoi, de façon intensive. Donc je maîtrise en fait mon univers sur le bout des doigts. Les questions mécaniques sont aussi quand même assez bien maîtrisées. Bon, je pars pas de rien déjà, parce que je pars de mantra, du système de mantra. Et donc ça a permis d'aboutir à un jeu qui est vraiment, je pense, très fonctionnel, quasiment sans playtest. Donc c'est plutôt l'expérience qui a fait office de playtest, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Milvo Mantra, en plus, je recycle tous les concepts de vertige logique que j'ai développés dans un jeu qui s'appelle Dragonfly Motel, et que j'ai ensuite commencé à mettre de façon pointilliste dans mes parties de Milvo. Donc j'utilise ça dans Milvo Mantra, c'est théorisé. Et aussi dans Milvo Mantra, j'arrive à faire un jeu tactique. Bon, il y a pas mal de chaos, hein, il y a des dés, tout ça, il y a beaucoup de chaos. Mais quand même, je trouve que le jeu est ultra tactique. Ça fonctionne bien, parce qu'en fait, j'ai réutilisé pas mal de mes concepts sur le tactique. Et donc, même si effectivement il y a des moments esthétiques ultra forts, il y a une sensation de chaos total aussi. Et pourtant, le jeu est très tactique, et donc je pense que je serais bien inspiré de réemployer une partie de mes acquis sur Milvo Mantra, les réemployer pour Grogne. Dernier jeu de ma plume, c'est Marche-Branche. Marche-Branche, ça vient d'une idée que j'avais. J'avais des idées de médiéval fantastique. Je vais faire du médiéval fantastique rural. Je vais faire du médiéval fantastique poétique. Je vais m'inspirer de Miyazaki. Je vais m'inspirer de la légende des Sept Boules Vertes, qui est une bande dessinée de Laurent Parcelier, qui est du médiéval fantastique, qui m'a vachement impressionné quand j'étais petit. Avec une ambiance vraiment, ouais, poétique, rustique, enfin. Un truc de malade. Cette bande dessinée, vous l'avez en scan. Si vous allez sur le site de Marche Orange, vous avez un lien vers les scans de la bande dessinée. Franchement, lisez-la. C'est un monument de la BD des années, je crois, des années 90, quoi. C'est vraiment. Enfin, c'est un classique oublié. C'est-à-dire que les gens connaissent pas cette BD. Mais c'est vraiment une BD de ouf, quoi. Moi, j'en fais la promotion, toute voile dehors, quoi. Alors, je vais lancer un biberon. Et donc, j'avais cette idée de média fantastique poétique, et puis je voyais bien que j'aurais jamais le temps de développer ça parce que j'étais trop focus sur Milvo. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est tout bête. T'as qu'à fusionner avec Milvo. Fais du Milvo médiéval fantastique poétique. Puisque tu sais que, en fait, Milvo, tu peux le décliner à toutes les sauces, bah décline-le à cette sauce-là. Et du coup, dans Marche-Branche, on garde que les marqueurs principaux de l'univers de Milvaud, donc forêt, ruine, oubli, emprise et Grégor Orla. Et on enlève tout le reste. Donc c'est plus l'Europe, c'est plus notre monde, il n'y a plus du tout de technologie moderne, tout ça. Ouais, c'est plus notre monde, ça c'est important. Le shift qu'il y a, c'est qu'on est dans de la fantaisie. Donc généralement la fantaisie, ça c'est pas censé se passer dans notre monde, même dans le passé ou dans le futur, quoi. C'est censé se passer la plupart du temps dans un monde parallèle, quoi, sur une autre planète ou dans un autre univers, une autre réalité, quoi. Et c'est ce que je fais avec Marche-Branche. Et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que je continue à traiter à fond les thématiques de Milvaud, peut-être même de façon plus profonde, notamment au niveau de l'oubli, que dans mes autres jeux. Et pourtant, c'est vrai qu'on est dans une ambiance, mais complètement différente. Et donc ça permet d'ouvrir Milvaud à un autre public. Moi, ça me permet de redécouvrir Milvaud avec une fraîcheur que je s'est perdue. Ouais, je joue en mode nostalgie. Ça me permet de effectivement recycler mes envies de faire de l'OSR, puisque en fait il y a énormément de choses qui sont tirées de l'OSR dans Marche-Branche. Même si c'est refait à ma façon, tout ça. Bon, honnêtement, peut-être qu'il n'y a plus que moi qui vois de l'OSR et que un observateur extérieur n'y verrait absolument rien de Donjon Dragon Boîte Rouge. Il y a une ambiance rêve de dragon, Animonde avec un système léger. Il y a plein de tables aléatoires qui permettent en fait au MJ de monter de l'univers à toute vitesse. Donc soit tu vas t'en servir pour préparer, soit tu vas t'en servir pour improviser. Il y a une ambiance poétique, bah, moi personnellement, qui me transporte. Et en même temps, bah, tu as des moments très dramatiques. Il y a, en fait, il y a un côté. On part sur une ambiance ultra naïve au départ, et du coup, quand il va y arriver des trucs sombres, des trucs dramatiques, ben ça, ils sont magnifiés en fait. Alors que dans Midvo, tout est tellement Midvo classique, tout est tellement crado, tout ça. Quand il se passe un truc dramatique, quelqu'un meurt par exemple, bon, tout le monde s'en fout quoi. Dans Marchebranche, quand quelqu'un meurt, ça a un vrai impact sur les joueuses quoi. Parce que la mort est un fait en fait qui est rare quoi. Par exemple. Voilà, donc bon, Marchebranche, est-ce que c'est le signe que je deviens gâteux en faisant des trucs mignons? Ou est-ce que c'est une nouvelle maturité, entre guillemets, un nouveau défi? Je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment à tester. Donc vous avez déjà plein de notes, plein de matériel sur le blog. Bon, honnêtement, c'est le jeu qui est ma priorité en ce moment. Même si là, j'ai dû faire une trentaine de playtests. J'en ai encore deux ou trois à faire parce qu'il y a deux ou trois petits trucs que j'ai envie de tester, puis j'ai quand même beaucoup de demandes pour y jouer aussi. Pour autant, je considère que le développement du jeu est terminé. La rédaction, j'ai fait 50% de la rédaction. Le reste est sous forme de notes, donc je considère que j'en suis à 100%, j'ai plus que de la mise en forme, quoi. Donc on va dire que c'est quelque chose qui va être en priorité haute dans mon planning de publication. Bon, après, encore une fois, je rappelle que je suis papa. Et donc, je publie très très très lentement maintenant. J'en suis désolé, mais c'est une réalité, hein. Donc, faut pas vous étonner. Ça se trouve peut-être que Marchebranche sortira dans 2 ans parce que j'aurai jamais eu le temps de m'y mettre avant, hein. C'est comme ça, hein. Bon, je continue à sortir des trucs, mais c'est vrai que je sors plein de petits trucs. À mon avis, la vraie démarche que j'aurais à faire, c'est d'arrêter de sortir des petits trucs. Arrêter d'enregistrer des podcasts, par exemple, pour sortir des gros trucs. Là, j'en ai fini avec les jeux de ma plume. Ouais, je me rends compte que c'est vachement plus copieux que ce que j'avais prévu. On est déjà à 1 h 30. Mais bon, c'est important pour moi de vous faire un panorama, de faire un petit bilan, là, après 10 ans de Milvaux. Donc, bon, voilà, je continue. Il y a les livres d'univers, parce que je me suis rendu compte que on pouvait aimer l'univers de Milvaux sans adhérer à mes systèmes, ou parce que bah, vous avez vos propres systèmes. Je sais qu'il y en a qui voulaient jouer à Milvaux dans l'univers de Fate. Je sais qu'il y en a qui voulaient jouer à Milvaux ben, avec des jeux old school Renaissance, ainsi de suite. Et donc, j'ai re... En fait, le... vous savez, mon PDF là sur l'univers, que j'avais sorti en 2008, eh bien, je l'ai refait, en fait, remaquetté, tout ça, bien propre. Je l'ai republié sous le titre Civilisation. Donc, déjà, avec ça, vous avez une bonne base d'univers pour jouer avec vos propres règles. Ou tout simplement pour consommer l'univers, en fait, comme support de rêverie, hein. Après tout, vous n'êtes pas obligé de jouer, hein. Ensuite, ah, j'ai bébé qui a faim. Donc il y a son biberon qui est en train de cuire. Ensuite, j'ai sorti l'almanach. À la base, c'était un compte Twitter pour Milvaux, où c'était un petit exercice de style que je m'étais donné. Vas-y, pas cap d'écrire une ligne par jour, quoi. Et donc, en fait, je sortais un tweet sur Milvaux, en fait, par jour, quoi. Et finalement, j'en ai fait 366, et donc je vais sortir un bouquin qui s'appelle l'Almanach. Bon, il est déjà en version PDF là. Et donc, vous avez par jour bah, une sorte de petit poème dans l'univers de Milvaux qui vous donne plein d'idées. Alors là, je suis content parce que c'est vraiment foisonnant. Ça va vous donner un autre aperçu de l'univers. Chaque ligne, chaque poème est quasiment un mini-scénario en lui-même, quoi. Hein. Donc j'espère que ça va vous faire voyager. Et donc, j'ai fait une collaboration avec Sylvain Lecor, qui est un illustrateur qui fait des aquarelles végétales, insectoïdes, minérales, complètement dingues. Et donc il m'a fait des aquarelles exprès pour l'Almanach. Donc ça, c'est vraiment un honneur qu'il m'a fait. Et donc on va essayer de sortir deux formats, un format beau livre carré avec un beau papier, et puis un format poche qui soit fait pour utiliser par les MJ. comme table aléatoire, donc un truc qui tient dans la poche et que tu peux feuilleter, tac, j'ai besoin de sortir une inspiration, vas-y. Bon, j'ai utilisé qu'une fois en jeu l'almanach comme table aléatoire justement pour mon scénario Mivo Mantra Oedipos, parce que j'avais oublié mes tables aléatoires, j'avais que ça et ça a produit un résultat du tonnerre. Franchement, c'était top. C'était très Milvaux et en même temps c'était très foutraque, ça partait dans tous les sens. Alors, de toute façon, depuis Inforenza, moi je suis ultra fan des tables aléatoires. Je trouve que c'est une excellente façon de transmettre un univers parce que c'est digeste une table aléatoire. Tu te sens pas obligé de tout lire. Et puis même, t'as aucun travail de mémorisation à faire. Même supposons, tu lis toutes les tables aléatoires au départ pour t'en imprégner. Mais au final, après, t'as aucun boulot de mémoire à faire. Puisque tu veux sortir d'univers, bah tu fais un tirage sur la table, ça te met un aspect, puis tu le mets en jeu, quoi. Et moi-même, tu vois, on va dire, je suis quand même la personne qui connaît le mieux mon univers, ça m'est utile, parce que mon univers, il a pris une telle proportion, cette partie en telle direction, tellement de directions différentes, que je me rappelle pas de tout, et il y a des choses que j'ai trouvées cool au moment où je les ai conçues, et que après j'oublie d'utiliser. Donc, paf, une table aléatoire, bah à un moment, ça me ressort une idée. Ah ouais, tiens, j'avais eu cette idée-là à une époque. Parce que je note absolument toutes mes idées sur Milvaux. Mais je ne cherche pas à faire le tri, donc il y a des idées qui sont contradictoires, je les note toutes. Déjà parce que, effectivement, maintenant, l'univers de Milvaux est devenu tellement multiforme que c'est pas du tout grave s'il y a des choses qui sont contradictoires. Et puis de l'autre, parce que j'ai des projets de bouquins dans lesquels ça va s'insérer. Donc justement, j'ai deux autres projets j'ai trois autres projets de livres d'univers. Il y en a un qui s'appelle Nature, qui va décrire l'écosystème. Il y aura une sorte de bestiaire, bah, des animaux, de la forêt, tout ça qu'on peut avoir dans Milvaux. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mal de notes là-dessus. Donc c'est surtout la mise en forme maintenant. Et puis j'ai un autre bouquin qui ça s'appelle Surnature. Donc on va déployer, en fait, on va développer beaucoup sur l'oubli, l'emprise, l'égrégore, les Orlas. Donc en fait, j'ai presque envie de dire, c'est le bouquin ultime sur Milvaux, quoi. J'ai plein de notes. Je pense que dans un premier temps, bon, j'ai pas mal reventilé dans l'almanach, c'est vrai. Mais je pense qu'il faudrait que je publie mes notes assez rapidement, quoi. Et puis bah, après, la mise en forme, ça viendra en temps voulu, quoi. Et j'avais les morts-plateaux. Les morts-plateaux, en fait, c'est l'Auvergne de Milvaux. Parce que je voulais refaire un petit supplément qui décrive un peu cet endroit, et notamment parce que c'est là où j'avais joué ma première campagne, donc je voulais permettre de retrouver cette ambiance-là. Vous voyez, j'ai toujours cette tension nostalgique. Après, là, j'ai réfléchi récemment et je me suis dit, ouais, mais alors Dune, il y a déjà pas mal de trucs qui sont sortis. Parce que le vieux, la pute et le salopard, bon, mais ils ont été décrits dans ma nouvelle. Trois personnages. Trois autres personnages qui sont rouges, Mergrand, le loup, et puis encore un autre qui s'appelle Dévasté. Ils sont décrits très largement en détail dans un scénario qui s'appelle Rouge, un scénario pour Milvaux Sombre. Pareil, bah, Gros Manu, il est aussi décrit dans ce scénario. Le Balafré, qui est un autre personnage des Morts-Plateaux, il est décrit dans il est décrit dans Civilisation. Il manque juste une carte des morts-plateaux. Enfin, il y a deux, trois petits trucs qui sont. Alors, en fait, je sais pas si ce bouquin apprendrait grand-chose de nouveau. Peut-être qu'il y aurait juste le mérite de centraliser, en fait, des trucs qui ont été éparpillés, en fait. Il y a eu plein de clins d'œil aux morts-plateaux dans différentes publications, mais pareil, Noirmont-Ferrand est décrite dans l'Atlas. Mais il n'y a pas, ouais, il n'y a pas un truc centralisé, donc il faudrait peut-être que je fasse cet effort-là. Ma foi. Un jour peut-être. Un jour peut-être, effectivement. Donc ça, c'est fini pour les trucs de ma plume. Et là, je voulais parler un petit peu, parce que déjà, je leur dois vraiment une chandelle énorme. Je voudrais parler des jeux qui ont été, dans Milvaux, écrits par d'autres que moi. Parce qu'à une époque, je crois que c'est il y a maintenant un an et demi, 2 ans. J'annonce que Milvaux est libéré dans le domaine public. Parce que je me suis dit, j'en ai. J'ai un peu dépassé le stade de dire que Milvaux c'est un univers. Et c'est devenu un mythe en fait, un peu comme le mythe de Cthulhu, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à. C'est quelque chose qui m'appartient plus. Déjà parce que j'ai vu tellement de gens se le réapproprier avec les comptes rendus de partie. Certains faisant des scénarios. Assez tôt d'ailleurs, il y avait Patrick Sialf qui m'avait envoyé un scénario qui s'appelait l'Astrolabe, qui était censé se passer dans Millevaux, mais en même temps on voyait qu'il mettait vraiment ses trucs à lui dedans. Et à l'époque, d'ailleurs, je lui avais dit, et je regrette, hein, Patrick, si tu m'écoutes, je regrette. À l'époque, je lui avais dit, bah non, c'est pas mon univers, quoi. Tu respectes pas beaucoup mon univers, t'as fait ton truc à ta sauce. T'as fait du post-apo lovecraftien, on est d'accord, mais t'as pas fait du Millevaux. Et du coup, son scénario, en quelque sorte, je lui avais refusé, quoi. Enfin, je lui avais dit, bah, publie ton scénario de ton côté, parce que moi, je peux rien en faire, quoi. Et là, j'ai republié l'Astrolabe. Alors, j'ai envoyé un mail à Patrick Sialf pour demander sa permission. Le problème, c'est que j'ai jamais eu de réponse. Je pense que l'adresse mail que j'ai, elle est obsolète. Donc, j'ai quand même pris la. Comme il l'avait livré à une époque et que j'en ai jamais entendu parler ailleurs sur les internets, j'ai quand même pris la liberté de publier, quoi. Là, tout récemment, l'Astrolabe, j'ai fait un petit photomontage exprès. Parce que justement, j'en suis à ce stade où j'apprécie que les gens s'emparent de mon univers, même si des fois je peux avoir l'impression qu'ils n'y comprennent rien ou qu'ils s'en emparent sans avoir tout lu. Par exemple, j'avais une discussion avec Michel Poupart et il me dit oui, donc la Méditerranée, le niveau de la mer Méditerranée a monté, donc le détroit de Gibraltar est considérablement inondé, agrandi, tout ça, ils ont fait un grand pont foutraque au-dessus, quoi. Puis je lui dis, bah non, en fait, si tu avais lu l'Atlas, tu aurais su que. Ah, l'Atlas, j'ai oublié de parler de l'Atlas. L'Atlas, c'est un autre supplément d'univers qui est entièrement rédigé, juste des corrections à faire, et qui décrit toute l'Europe de Millevaux, mais aussi un petit peu les autres pays, les autres continents. Alors, c'est pareil, il faut juste le temps que je remette en forme. J'avoue aussi que je voulais rédiger quand même certains trucs en plus, notamment des pays que j'avais passés sous silence, comme l'Islande et l'Irlande. Mais bon, voilà, ça me freine parce que j'ai déjà rien que quand l'idée de mettre des trucs en forme, je sais que ça va me prendre un temps fou et que j'ai pas le temps. Alors l'idée de devoir en plus rédiger des nouveaux trucs, bon, ça me freine un peu. J'espère que je retrouverai un jour le temps et l'énergie de faire ça. Bon, pour le moment, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais publier l'Atlas en version brouillon. Déjà, ça vous fait, enfin, franchement, ça vous donnera un matos de ouf, quoi. Bref, je commence à voir que les gens s'emparent de Millevaux et je trouve ça cool. Je me suis dit, en fait, il faut en faire un mythe, un truc qui appartienne pas à un seul auteur. N'importe qui peut faire son propre Millevaux, quitte à ce que ce soit contradictoire avec le voisin, c'est juste pas grave. Et donc, tout simplement, je dis, bon, bah écoutez les gens, Millevaux c'est dans le domaine public, donc vous en faites toutes mes publications, vous en faites ce que vous voulez, que ce soit la partie univers, la partie système, tout ça, vous le réappropriez. Et quasiment, je crois, une semaine après, enfin même nettement encore plus court, il y a Steve Zakubovitch qui sort un jeu, du coup, dans l'univers de Millevaux qui s'appelle Les Remémorants, où on joue surtout justement sur des personnages qui recherchent leurs souvenirs perdus, avec toute l'amertume que ça implique de retrouver des souvenirs qui sont peut-être pas si drôles que ça. Et là, ça y est, bah, la vague est lancée, quoi, le cochon est dans le maïs. Déjà, ça m'a fait un plaisir immense quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bah, c'est exactement ce que je voulais quand j'ai mis le truc dans le domaine public. Steve s'en est emparé, il a fait un truc qui est vraiment à lui, qui est super cool. Moi, j'ai fait une action, entre guillemets, de supporting de ça, parce que j'ai fait plusieurs parties dans les Remémorants, j'ai sorti des comptes rendus de partie, parce que voilà, pour moi, un jeu, s'il n'y a pas de compte rendu de partie, un jeu, il meurt. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je me trompe sans doute, hein. J'espère qu'il y a des jeux qui sont sans. Il y a beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de qui sont sans compte rendu de partie, je pense qu'ils sont quand même joués. Hein. Mais bon, à mon avis, pour faire vivre le truc, c'est quand même important. En plus, les comptes rendus de partie, quelque part, c'est aussi un corpus d'univers de Millevaux qui va là pour tous les jeux. Donc ça donne une banque de données formidable, quoi. Finalement, là vous avez, je crois, il y a trois entre les comptes rendus de partie que moi j'ai écrits et ceux qui ont été écrits par d'autres, j'ai fait le compte. Il y a 300 comptes rendus de partie qui sont centralisés sur une page du Forum de Terres étranges qui s'appelle Atlas. Donc du coup centralisé et trié par pays. Donc ça vous fait une base de données colossale. Colossal, colossal. Et en plus, là, vous voyez l'univers en mouvement, puisque vous voyez des aventures, quoi. C'est pas juste des trucs statiques, genre il y a telle faction, il y a tel monstre. Non, non, vous voyez vraiment le truc en mouvement, quoi. Donc, je pense, honnêtement, et sans me vanter, hein, bien sûr, que du coup, aujourd'hui, Millevaux, en francophonie, je dis bien en francophonie, et je fais exception des jeux américains traduits, c'est sans doute un des univers les plus documentés, quoi. Ouais, alors sous une forme effectivement qui est spéciale, puisque c'est surtout documenté sous forme de compte-rendu de partie. Voilà, c'est sur les internets, tout ça, hein. Bon, il y a un moment, je voulais sortir un recueil de nouvelles qui auraient été de certains comptes rendus de partie un petit peu rafraîchis du point de vue littéraire, quoi. Mais bon, c'est pareil, ça se sera fait en 2400 à peu près. Ensuite, il y a Dino Van Bett qui a sorti Milvo X, hein, qui est fait pour. C'est tiré du D6 System. Donc je dirais que c'est pour faire du Milvo avec des ambiances système des années 90. Donc il y a une feuille de personnage avec des compétences. Et en même temps, il y a pas mal de trucs un petit peu modernes, comme des avantages, désavantages qui créent vraiment de l'histoire. Moi je sais que donc j'y ai joué une fois. On s'est bien kiffé parce qu'en plus, si tu veux, Dino, il a ajouté ça un contexte à lui qui s'appelle les Terres Normandes. Donc c'est une Normandie vraiment pécore, quoi. Donc moi, je défendais le jeu comme une espèce de jeu pecno-trash. Et quand j'ai joué très tactique, en fait. Donc on a fait une partie qui s'appelle Gurnad et Gobelins. Bon, Dino a fait ses propres comptes rendus de partie. Donc franchement, Milvaux X, très sympa. Si vous voulez jouer à Milvaux avec vous, votre kiff, c'est les jeux des années 90-2000, vous ne serez pas du tout dépaysé en prenant Milvaux X en main. Bon, il y a peut-être le système de combat qui est un petit peu lourd, Dino l'avoue aussi lui-même, mais ça c'est lié au D6 système, hein. Le système de combat est un peu lourdingue. Je pense que ça peut se patcher très facilement. Bon, ne serait-ce que des fois arrêter un combat, tout simplement des fois il y a des moments, vous allez arrêter un combat en milieu, quoi, tout le monde est, enfin, alors, vous n'allez pas faire des combats à mort, vous allez arrêter un combat en milieu, puis en disant ouais à ce stade, chaque groupe va faire un jet de morale, puis pour voir l'issue du truc, quoi. Si vous faites des combats à mort, c'est vrai que ça peut être long, hein. On avait fait un combat contre un Orla et ça nous avait pris 1 heure. Après bon, vous allez me dire, il y a des groupes de jeux, ça gêne absolument pas, hein. Je veux dire, moi-même, à l'époque, ça m'est arrivé de faire des combats de 4 heures, puis j'adorais ça. Donc c'est, pour le coup, c'est vraiment une question de goût et de couleur, quoi, à la rigueur. Ce qu'on peut reprocher, au contraire, au jeu que moi je sors, c'est que par exemple, le combat, il est un peu sous-traité, quoi. Tu joues les combats en Inforenza, tu peux jouer un combat en 5 minutes, Sombre, tu vas jouer en 20 minutes. Bon, ça manque beaucoup d'options tactiques et ça manque de cette impression de réalisme et de réalité virtuelle qu'on a en faisant du combat où les choses sont concrètes, on peut faire des vrais choix, tout ça. Donc du coup, c'est remis à l'honneur dans Milvaux X. Ça, c'est intéressant. En plus, on peut jouer des sorciers, il a récupéré mes listes de pouvoirs magiques, tout ça. Puis ouais, il y a une ambiance, hein. C'est pas qu'un système, Milvaux X, il y a vraiment une ambiance très très cool. Bah, très pecno-trash que j'aime beaucoup. Voilà, Dino, c'est un bûcheron, il vit en Normandie, et le jeu lui ressemble, quoi. Voilà, Dino, il le dit lui-même, il vit dans Milvaux, en fait. Sa vie quotidienne, c'est Milvaux, quoi. Ensuite, on a Milvaux H2PR par Michel Poupard. Donc, au début, c'était juste un système. Il a dit, bah, tiens, j'ai sorti un système pour jouer dans Milvaux. Et puis, il m'avait donné des exemples de jeux où ça se passait, effectivement, dans une espèce de préhistoire. Et puis, j'ai discuté avec lui. Je lui dis, bah, le mieux, c'est qu'on accentue vraiment le côté âge de pierre et on refait un reboot de Milvaux, sauf que là, c'est la préhistoire, quoi. Alors, c'est une préhistoire où on suppose que peut-être, en fait, c'est peut-être de la science étrange et peut-être que c'est de l'ASF, du genre, l'humanité est retombée à l'état préhistorique, sauf certaines enclaves où il y a encore de la technologie, quoi. Le doute est permis et tout. C'est pareil, il y a une ambiance très spéciale dans Milvaux âge de pierre. Michel a vachement joué sur la. Bon, chaque jet de dés a des conséquences assez fines. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien, hein, depuis Inforenza. Hein, donc moi, j'adhère. Et tu as une gestion assez fine de la santé mentale avec des personnages qui ont des pierres rouges et des pierres pour la rage et des pierres blanches, des pierres bleues pour le calme. Éventuellement la catatonie, hein, dans des états extrêmes. Et donc en fait, les personnages naviguent entre rage extrême et calme extrême. Et du coup, de là est venu Milvaux au seuil de la folie. Là, c'est un jeu très intéressant. Donc, c'est un jeu de Michel Chevalier. C'est un jeu intéressant parce qu'il récupère, il récupère le jeu de rôle fou, Freeform Universal, donc qui est, on va dire, un jeu freeform, donc système léger, très centré sur les personnages, avec des feuilles de personnages qui sont surtout sur le passif du perso et ses motivations, et du coup qui vont amener le MJ à faire tourner le scénario autour d'eux, quoi. Système assez simple, hein, du coup aussi. Assez simple et sans doute par rapport à Inforenza, si tu veux, Inforenza est simple aussi, mais Inforenza en même temps il est tellement, il est très très atypique, hein, comme système. Pour le coup, fou serait moins dépaysé, quoi. Le système est plus facile à prendre en main par les joueuses, quoi. Parce que Inforenza, t'as vraiment des concepts ultra bizarres à comprendre, à manipuler avant d'être vraiment dans le jeu, quoi. Et en fait, il a mixé le fou avec le système de folie de 1000 voies à Jeu-le-Pierre, quoi. Donc du coup, la notion domaine public, elle est vraiment rentabilisée à mort. En plus, il a récupéré des morceaux d'Inforenza, des morceaux de contexte, il a récupéré le contexte de civilisation. En fait, bah, Michel Chevalier, il a utilisé à mort la notion de domaine public. Et ça me fait super plaisir parce qu'il a vraiment saisi toute la portée du concept. Et donc l'autre truc, c'est que du coup c'est le premier jeu qui est pas de moi et qui est édité, puisque donc Michel Chevalier il est aussi éditeur, c'est l'édition Stellamaris. Et donc là en fait il vient de sortir le jeu. Et donc c'est marrant parce qu'au début quand j'ai commencé à diffuser 1000 voix en PDF, j'avais vraiment cette option d'être édité par un éditeur tiers. Après je l'ai abandonné parce que je suis passé en mode auto-éditeur for the win. Voilà, l'indépendance à tout craint, quoi. Et puis finalement, avec le domaine public, je me suis ouvert de nouvelles portes en me disant, bah en fait, du coup, je m'autorise édition du moment que moi, après mon corpus à moi, il reste dans le domaine public. Eh ben, on peut l'éditer, il n'y a aucun problème, quoi. Parce que c'est quelque part, c'est surtout ce que je craignais, c'était que en me faisant éditer, eh ben, que l'univers de Milvaux échappe à mon contrôle, quoi. Et bah là, quelque part, avec le domaine public, je permets d'éviter ça, tout en étant finalement à un lâcher prise total, bah, sur l'univers, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel éditeur peut sortir son propre 1000 voix à sa sauce. Moi, je le permets et en même temps, je garde finalement les trucs de 1000 voix qui me plaisent, je les garde dans mes publications à moi et les deux peuvent cohabiter. Et je trouve ça hyper cool. Autre jeu dans l'univers de 1000 voix qui cette fois-ci est en développement, c'est les Selles de 1000 voix. Donc c'est un jeu par Johan Calamé. Au niveau des mécaniques, grosso modo, c'est un hack de Arbre. Sauf que là, on joue pas des clochards, on joue des alchimistes qui sont rongés par l'achèvement du grand œuvre. À l'époque où le jeu était en développement, donc j'ai pas mal échangé avec Johan. Donc, de toute façon, si vous avez des jeux dans l'univers de Milvaux, vous voulez développer, vous pouvez les faire dans votre coin et les sortir sans rien demander. C'est toute la beauté du domaine public. Mais vous pouvez aussi me les envoyer, puis on peut en débattre si, entre guillemets, vous avez envie de mon avis en tant que consultant. Ben, je suis open, hein. D'ailleurs, que ce soit un projet purement amateur ou un projet édité, l'un et l'autre, hein, n'hésitez pas à me consulter. Hein. Bon, encore une fois, malheureusement, dans la mesure de mes dispos, tu vois, Michel, il a écrit toute une campagne pour 1000 voix au seuil de la folie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la seule campagne, vraie campagne, entre guillemets, avec des scénarios, tout ça, qui a été publié dans le truc de 1000 voix, elle a été faite par Michel. Moi, j'ai été consultant sur la campagne, mais en fait, j'ai pu en lire que les deux tiers, et le dernier tiers, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire avant la publication, parce que voilà, j'étais juste débordé, débordé. Mais envoyez-moi vos trucs, je les lirai, surtout si c'est court, quoi. Si vous m'envoyez un PDF de 10 pages, il n'y a aucun problème, je le lirai assez rapidement. Si vous m'envoyez un PDF de 200 pages, je serai hyper content, mais je vais mettre du temps à le lire, quoi. Donc après, vous pouvez être autonome pour développer vos trucs dans Milvaux, de toute façon. Bon, ou des fois, ça peut être passez-moi un coup de fil, hein, ou un hangout et tout. Des fois, c'est plus facile pour moi aussi d'en parler que de lire, quoi. Les Selles de Milvaux, vraiment j'ai adoré le concept de Johan. Moi ça fait longtemps que je voulais faire un jeu sur l'alchimie. Bah, en fait Johan me l'a livré sur un plateau d'argent. Donc j'ai un peu été un peu consultant parce qu'au début dans son jeu je trouvais qu'il y avait beaucoup d'alchimie et pas beaucoup de millevaux. Et donc je l'ai un peu conseillé pour apporter un peu plus de millevaux. J'ai fait une campagne test parce que lui il n'avait pas le temps de tester le jeu. Et moi la proposition me kiffait tellement que je me suis dit bah je teste ton jeu. Je fais une campagne de 6 scénarios. Tous les comptes rendus sont sortis. La campagne a été vraiment inoubliable. C'est une de mes meilleures campagnes que j'ai jamais jouées. J'ai collé aux règles de Johan, on va dire à 80%. Donc il y a un 20% que j'ai un peu triché, j'ai un peu trahi. Bon, Johan, je pense, était un peu déçu parce qu'il aurait voulu que je teste son jeu à 100%. C'est vrai que je me suis laissé un peu emporter par le côté MJ bidouilleur. Mais d'un autre côté, je regrette pas d'avoir testé autre chose. Comme ça, lui, il a pu voir la différence. Et en fait, faut aussi dire qu'on est allé sur une proposition de jeu qui collait à l'ambiance de la table, hein. Il y a un moment, de toute façon, le problème, c'est ça que les jeux. Tu as aussi la table, hein, qui fait que. Hein. Donc, il y a des moments, c'est bien de trahir le jeu pour coller aux envies de la table et pour qu'on se fasse plaisir, hein, tout simplement, quoi. Donc du coup, bah, celle de Milvaux, c'est un peu le jeu à deux têtes, parce qu'il y a les celles de Milvaux de Johan, ça sa version, il continue à modifier dans son sens, hein, et c'est cool, avec des idées de game design que j'aurais pas pu avoir, notamment il y a un truc à base d'application, enfin il y a à base de Jenga, et avec une application numérique aussi qui peut refaire le Jenga en virtuel, ça c'est le truc, ça me serait jamais venu à l'idée, hein, clairement. Et puis bah il y a un peu mon sel de Millevaux à moi qui est plutôt vraiment un hack de arbre assez pur quoi. Ouais en fait c'est ça, ouais. C'est un qui est plus proche de arbre que ce que Johan est parti vers quoi. Et je trouve bien que les deux cohabitent. J'en discuterai avec Johan, voir si au final on garde que sa version ou s'il serait d'accord pour que je publie la mienne. Faut qu'on voit. Faut pas que les deux se fassent de l'ombre aussi, c'est ça le truc quoi. Je vais pas en parler très vite parce que c'est quasiment hors sujet, mais il y a Le Monde des Brumes qui est un hack de Inforenza par le Scribe. En fait là, le Scribe a fait... Il a fait un hack de Inforenza pour faire du film de sabre. Donc du coup, on n'a plus du tout l'univers de Milvaux, mais on a les règles d'Inforenza. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est une autre utilisation de domaine public. Je trouve ça très intéressant. Là, j'ai reçu dans ma boîte mail, je vous en parle plus, pas plus parce que c'est confidentiel, un autre hack de Inforenza dans un autre univers. Je trouve ça ultra sympa aussi, donc bah, sentez-vous libre aussi. Hein. Vous pouvez hacker mes univers, mais vous pouvez aussi hacker mes règles. Hein. Si vous voulez trouver sympa, hein, si vous avez propres règles, faites comme vous le sentez, quoi. C'est vrai qu'Inforenza est un bon jeu quand tu veux produire un hack dont le but est de rendre un univers en fait. Autant on hackait Apocalypse World quand on voulait rendre une dynamique sociale, entre guillemets, enfin de dilemmes moraux, tout ça. Autant effectivement Inforenza, bah, tu fais des hacks quand tu veux rendre l'univers. Alors il y a aussi des projets de hack de Inforenza Minimum, on paraît qu'ils sont restés dans la sphère du privé. Notamment un hack de Inforenza Minima dans l'univers de Blade Runner. Donc voilà, je trouvais l'idée hyper cool, j'avais un peu échangé avec la personne. Je sais qu'elle y a un peu joué, mais effectivement, je pense pas qu'il y aura une publication derrière. Et c'est juste pas grave. Hein. Faut pas. C'est vrai qu'il y a une mode qui est un petit peu de dire, ouais, si tu joues, il faut que tu fasses des comptes rendus de partie, il faut que tu publies ton jeu, machin. Ouais, ok. Mais bon, c'est un loisir hein, aussi. Ça peut rester dans la sphère du privé. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'être auteur, diffusé et tout. Ce qui compte, c'est votre plaisir, quoi. Si votre plaisir il se limite à jouer entre vous. À faire votre jeu amateur rien que pour vous, ben c'est super quoi. Parce qu'après, mettre en forme un jeu, c'est plus du loisir, hein, c'est du taf, hein, il faut le savoir quoi. Voilà, on pourra encore en parler longtemps. Je cite très vite fait d'autres trucs qui sont pas du jeu de rôle, mais qui sont dans l'univers de Milvaux. Il y a le CD Night in the Wood, toujours par Dino Van Bett, hein, le bûcheron normand. Donc c'est de l'Americana avec un petit peu d'effet drone dessus. Et donc c'est une bande originale pour Milvaux que je trouve géniale. Donc voilà, qui est super, qui est vraiment dans l'ambiance du coup des premiers Milvaux. Moi j'y retrouve ma nostalgie. Donc moi j'aurais eu ça au début, je me serais pété un gros kiff avec quoi. Donc allez écouter ça, en plus c'est téléchargeable librement et tout, voilà, c'est tout en générosité. Moi, de mon côté, j'ai sorti la playlist Milvo. Il y a 180 albums en écoute libre pour sonoriser votre Milvo, normalement dans tous les genres musicaux. Hein, il y en a vraiment pour tous les styles. Ça va du plus soft au plus hard. C'est très très éclectique et c'est fait pour montrer toutes les ambiances qu'il peut y avoir dans Milvo. Donc c'est des albums sur Bandcamp, c'est des albums de pro. Hein. Il y a certains qui sont vraiment font partie de mes grands classiques, des trucs que j'ai adorés, dont j'ai acheté les CD à une époque. C'est pas du tout de la musique au rabais hein, et c'est en écoute libre parce que Bandcamp c'est un catalogue en ligne où les groupes à la fois vendent leur musique mais aussi la mettent en écoute libre, un peu ce que faisait MySpace, mais là c'est beaucoup beaucoup mieux que MySpace. Donc voilà, le seul reproche que j'ai à Bandcamp c'est que malheureusement sur certaines tablettes, smartphones, voire même sur certains navigateurs internet, ils fonctionnent pas hyper bien. Bon voilà, si vous avez un ordinateur, si vous avez un navigateur internet classique, vous êtes sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur fixe, je pense que vous n'aurez aucun problème pour utiliser Bandcamp. Et j'ai fait des sous-playlists en fait pour certains jeux comme Odyssea, Marchebranche, parce que forcément j'étais obligé de faire le tri un peu dans les musiques. Voilà, donc c'est pareil, je vous ai franchement écouté les. Enfin, faites-vous plaisir, utilisez pour vos parties. Ça va vraiment changer votre façon de voir l'univers de Milvo. Parce que quelque part, la musique, c'est comme les photomontages. C'est quelque chose que je vous transmets de façon non verbale et qui vous permet finalement de rentrer plus dans ma tête que vous pourriez le faire avec du texte pur, quoi. Voilà, il y a aussi le porte-bonheur qui est une nouvelle dans l'univers de Milvo, toujours par Dino Van de Bette. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, vous savez, j'ai un projet de recueil de nouvelles dans l'univers de Milvaux. Je me suis longtemps tâté de savoir s'il fallait faire un roman Milvaux. Bon, c'est vraiment pas le truc qui me botte en ce moment. C'est vrai que j'ai écrit du roman à une époque, mais c'est une telle souffrance pour moi de faire quelque chose dont je suis satisfait. Voilà, j'ai fait quelques romans et je suis un peu passé au jeu de rôle parce que. Pour moi, l'écriture de jeux de rôle, c'est beaucoup plus fluide, vivant. Il y a l'aller-retour entre la table et le bureau, quoi, qui fait qu'on perd jamais sa motivation. Donc, voilà. Mais par contre, si vous voulez écrire un roman dans l'univers de Milvaux, faites-vous plaisir, quoi. Je pense que là, on a bien fait le tour. Ah si, dernier truc quand même qui est important. J'ai fait une sorte de campagne de test qui s'appelle Système Milvaux. Ou soit je teste les jeux des autres, mais je les mets dans l'univers de Milvaux, soit je teste des jeux des autres forestiers comme Summerland que j'avais testé. Là du coup j'avais rien changé Summerland, j'avais vraiment joué Summerland brut, j'avais pas du tout amené mes propres mille Valeries quoi. Voilà, j'ai testé Apocalypse World, j'ai testé Sphinx, j'ai testé Ghost Echo, Mini Donjon, les cordes sensibles, et en fait ça marche, à chaque fois ça marche, bon. J'ai utilisé des jeux intenses. Ce que j'appelle un jeu intense, c'est un jeu qui va surtout générer une ambiance forte et qui n'a pas forcément, par contre, un univers dédié, quoi. Donc du coup, ça, l'univers, j'ai apporté l'univers de Milvaux, quoi. Bon, j'ai fait un peu le tour système Milvaux. J'ai pas forcément d'autres tests à faire. Si, j'en ai un en fait, j'en ai deux que j'aimerais bien faire. Enfin, trois. Je vais vous dire ma liste au Père Noël. J'aimerais bien tester Shades dans l'univers de Milvaux parce que c'est un jeu sur l'oubli. Et le surnaturel, les fantômes, donc ça matcherait à mon avis super bien. J'ai envie de tester Summer Camp de Manuel Bédoué où on joue des scouts dans une forêt un peu hantée. Mais du coup, si je teste Summer Camp, c'est vraiment. Je jouerai Summer Camp à la lettre, quoi. Parce que voilà, moi je raccorde entre guillemets à ma mythologie de Milvaux. Et puis j'avais envie de tester. Quel autre jeu? Ah oui, la Saveur du Ciel, qui est un jeu de Fabien Ilvagne, où on joue deux cuistots qui se font un trip sur la bouffe. Je sais qu'il y a Arjuna Khan qui a fait un Saveur du Ciel, Milvaux, que voilà, j'ai trouvé, moi aussi ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Sauf que moi je suis pas encore passé, j'ai encore pas passé à la pratique pour une raison toute simple, c'est que j'achète plus de jeux. J'ai fait le vœu de pauvreté parce que je vous rappelle que je suis à temps plein, notamment pour écrire du Milvaux et d'autres trucs. Et donc j'ai pas de revenu fixe. Enfin, j'ai un revenu, j'ai une allocation en création d'entreprise, mais elle va bientôt se tarir quoi. Et donc, si je veux continuer le plus longtemps possible avec ma démarche bénévole, domaine public, tout ça, eh ben il faut que je réduise mes dépenses au maximum. Donc je le fais avec plaisir, mais notamment ça veut dire que j'achète quasiment aucun jeu, quoi. Et donc j'achèterai pas La Saveur du Ciel, même si je trouve le jeu super et que j'ai vachement envie de tester. Et donc si vous voulez que je le teste et que je vous fasse un retour, ben offrez-le moi, tout simplement. Offrez-le moi, et dans ces cas-là, j'y jouerai. Alors vous pouvez m'offrir d'autres jeux en me disant bah, ce serait bien que tu les testes dans Midvaux, que tu fasses un retour. Mais après, bon, il y a un moment, dites-vous bien que c'est pareil, hein, je vous ai bien expliqué que j'étais débordé. Des fois, vous allez m'offrir un. Je sais qu'il y a des. En guise de soutien, il y a des personnes qui m'ont offert leur jeu, le jeu qu'elles avaient écrit. Pas forcément pour que j'y joue dans Midvaux, mais juste pour que je le lise et que j'y joue, quoi. Franchement, j'ai adoré l'initiative. Je sais que j'ai pu mettre à. Récemment, j'ai joué à Yokai, justement, qui m'avait été offert par son auteur. Auteur-autrice Kaseo Kidam. Mais voilà, ça prend du temps, ça prend du temps, du temps, du temps. Donc je le fais avec parcimonie. Dans mon disque dur, j'ai 2-3 PDF qu'on m'a offert et que j'ai encore malheureusement pas lu ni fait jouer. Ça viendra en temps voulu, quoi. Dans les 10 prochaines années, quoi, ça viendra. Donc voilà, j'espère que ça vous. Déjà, j'espère que de une, ça vous a donné. Ça vous a permis peut-être de faire votre choix si vous hésitiez sur par quel jeu commencer. Ah oui, pareil, truc que j'ai oublié, j'ai fait une énorme page sur le blog de Milvaux qui s'appelle Inspiration, où en fait je liste absolument toute ma biblio, ma filmographie. Comment je renvoie vers des galeries, des sites d'images. Pour avoir un maximum d'inspiration pour Milvaux, quoi. Là, c'est pareil, dans une optique de mythe qui envahit tout, quoi. Milvaux, ça se nourrit de plein plein de trucs. Par exemple, l'île aux poupées en Amérique du Sud, c'est une île avec plein de poupées pourries qui sont pendues. Il y en a plein, il y en a plein plein plein. Toutes les photos d'exploration urbaine, c'est-à-dire des photographes qui vont visiter des ruines de monuments du 19e ou du 20e siècle abandonnés, quoi. Là, c'est pareil, grosse inspi pour Milvaux, donc je renvoie vers leur site. Donc voilà, comme ça vous avez pu faire votre choix. Je vous ai guidé aussi vers des inspi si vous avez besoin, comme moi, d'explorer un univers vraiment en détail, quoi. J'espère aussi que ça vous a donné envie et éventuellement des idées pour créer vos propres jeux dans l'univers de Milvaux, pour créer vos propres trucs dans l'univers de Milvaux, pas forcément des jeux de rôle d'ailleurs. Ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez faire un jeu vidéo Milvaux, un jeu de plateau Milvaux, un roman Milvaux, une BD, des nouvelles, de la musique, ou que sais-je encore, mais faites-vous plaisir. Moi, franchement, je serai toujours à vous soutenir, quoi. Plus le truc grandit, plus le truc m'échappe, et plus j'aime en fait cet univers à la fois sombre, ténébreux et encore une fois profondément attachant. Donc voilà, je vous souhaite plein de mutations, plein d'égrégores. Faites-vous des gros kiffs et puis amusez-vous et à la prochaine. Donc le podcast Panorama des publications Milvaux date d'il y a 3 ans en fait. J'ai regardé dans mes archives, c'est noté en novembre 2016, donc là actuellement on est en octobre 2019. Ça me semblait un petit peu risible de publier ce podcast sans faire un addendum. Donc voilà, je reprends un petit peu le micro pour vous dire ce qui s'est passé dans les 3 ans qui ont suivi, sachant qu'il s'est passé énormément de choses. Tout d'abord, pour rebondir sur ce qui a été dit dans la partie d'un vieille partie de ce podcast. J'évoquais Inforenza 2. Actuellement, Inforenza 2 est déjà sorti en version bêta. Ça veut dire que s'il n'y a pas encore tout, mais vous avez déjà les règles remises à jour, vous avez plein de nouveaux théâtres. Il va manquer en fait, je vais rajouter par la suite des exemples de parties et un exemple de partie, et puis les conseils vont être remis à jour beaucoup. Et puis également, il va y avoir tout un tas de variantes. Mais vous avez déjà une bêta. La bêta est déjà quand même fort robuste. Et quelque chose qui mérite d'être noté, c'est qu'elle est également sortie en anglais grâce à une traduction de Com Martin. Et puis pour un petit peu défendre cette bêta anglaise, on a également fait 10 parties, 10 parties enregistrées dans la langue de Shakespeare. Donc voilà, ça a été quand même une grosse sortie hein, de la période qui s'est écoulée. Sinon, pas longtemps après l'enregistrement du jeu podcast, Inforenza Minima est sorti en format livre, en fait, donc enrichi d'un exemple de partie et puis d'une rédaction un petit peu plus étoffée, avec de magnifiques illustrations par Willy Cabourdin. Je parlais de Grogne dans ce vieil enregistrement. Donc Grogne, c'était mon projet Old School Renaissance pour Milvaux. Le projet a continué d'évoluer, maintenant il s'appelle Écorce. Et vous pouvez déjà télécharger une version brouillon. Il y a déjà quelques comptes rendus de partie aussi diffusés. Il y en a pas mal d'autres qui vont arriver aussi. En fait, concrètement, la grosse évolution qu'il y a eu depuis 3 ans, c'est que je suis vraiment revenu aux sources de l'Old School Renaissance, puisque le gros coup de cœur, ça a été Sword and Wizardry, hein, qui est en fait l'un des premiers rétroclones qui est sorti. C'est celui qui est le plus proche de Donjons et Dragons première édition. Ça a été un gros coup de cœur, et concrètement, Écorce est une sorte de hack assez proche hein, de ce jeu-là, avec quand même quelques petits ajouts modernes, un système de combat un peu plus étoffé, mais aussi un peu plus nerveux, un peu plus cinématique. Et puis tout un système de magie à part, avec une magie particulièrement crado, ils vont pas mal de choses. Je suis assez content de ce que ça a donné. Honnêtement, à ce stade, il faudrait juste passer. Bon, j'estime que le game design est calé, et il faudrait juste passer à une rédaction un peu plus sérieuse, quoi. Donc, on prend des nouvelles des Corses dans les prochaines années hein, pour la version finale. Également, j'évoquais l'Almanach. La nouveauté par rapport à il y a 3 ans, c'est que l'Almanach est sorti sous format livre. Ça c'est pas mal. Il y a également tout récemment, là, j'ai sorti une version jeu de cartes de l'Almanach. Et puis également, on va trouver là très récemment, très très prochainement, je vais aussi diffuser une version Excel de l'Almanach. Il y a Cab Multiversalis qui a produit un tableur Excel qui permet de gérer aléatoirement des citations de l'Almanach. Donc ça c'est vraiment sympa. Je parlais de mes expérimentations que j'ai appelées Système Milvaux, hein, donc les tests de Milvaux avec différents jeux. Je disais que je voulais tester Shades, ça a été fait, la partie était vraiment super, donc vous retrouvez le compte rendu. Par contre, j'ai encore pas testé Summer Camp ni la Saveur du Ciel, pour la raison que j'ai pas mes contraintes de budget faisant, j'ai toujours pas fait l'acquisition de ces jeux. Et bon, il y a fort à parier que je les fasse jamais, hein, puisque je peux pas me permettre en fait d'acheter des jeux étant sans revenus. Donc après, si jamais un jour je les récupère d'une autre façon, si quelqu'un me les offre hein, concrètement, eh bien je les testerai avec plaisir, ou si quelqu'un m'y fait jouer, hein, pas obligé de me les offrir. Le fait est aussi quand même la grosse nouveauté depuis 3 ans, c'est que je fais plus de compte rendu de partie, donc j'en parlerai rapidement dans mon compte rendu mensuel, quoi. Dire voilà, j'ai joué à tel jeu, ça s'est passé comme ci, comme ça, en quelques lignes, quoi. Mais je fais plus des comptes rendus de partie exhaustifs, à de très rares exceptions. Donc ça, c'est tout ça, c'est bon. J'ai fait pas mal d'autres hein, tests Système Milvaux. Il faut aller voir la page Système Milvaux. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc maintenant, je vais essentiellement vous parler, eh bien, de toutes les nouveautés qu'il y a eu en 3 ans. Hein. Donc, vous allez retrouver tout ça hein, de façon centralisée dans comment dire sur la page Milvaux. Hein. Peut-être la première chose à dire, c'est j'avais évoqué l'Atlas. À l'époque, il n'y avait rien qu'on pouvait consulter. Aujourd'hui, vous pouvez consulter une version brouillon hein, qui a été mise en ligne en 2017. Voilà, il faut encore que j'applique. Et l'avantage, c'est que vous avez aussi toutes les illustrations magnifiques par Thibaut Boub. Il y a même une carte de Millevaux qui est quand même à couper le souffle, hein, donc je vous conseille de jeter un œil. Et donc voilà, l'Atlas, il faut encore que je finisse la rédaction. Il n'y a pas grand-chose, hein. J'avais dit qu'il fallait que j'écrive l'Irlande et l'Islande. Ça a été écrit et même relu, hein, depuis. Maintenant, il faut que j'applique toutes les corrections qui m'ont été demandées et que je sorte un bouquin. Voilà, j'aimerais bien faire ça dans l'année scolaire. Je pense que c'est de l'ordre du possible si je reste organisé et surtout si je me disperse pas. Alors j'ai développé une nouvelle méthode de travail. Bon, c'est tout récent, hein, c'est que depuis septembre, mais je pense qu'elle pourrait porter ses fruits. Bon, il y a deux choses déjà, c'est que depuis que mon fils est entré à la maternelle, bah, j'ai plus de temps. Donc on croise les doigts pour que ça dure un petit peu, quoi, ce phénomène. Et donc j'ai trouvé une nouvelle organisation qui me satisfait bien, qui me permet d'avancer. C'est que, bon, les matins, je continue à faire l'urgence, c'est-à-dire vérifier mes mails et puis publier une nouvelle, quoi, enfin, publier mes nouvelles sur mes réseaux, quoi. Et puis l'après-midi, l'après-midi est consacré au projet. Alors en fait, une semaine sur trois, je travaille sur un vieux projet. Par exemple, là, récemment, j'ai fini les corrections sur un vieux recueil de scénarios pour Millevaux Sombre Zéro qui s'appelle Hurler dans Forêt Zéro. Donc voilà, il faut que ce soit validé par Johan, mais lui est plutôt rapide, au contraire de moi, donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être publié assez rapidement. Et une semaine sur trois, je bosse sur mes 9 projets, donc les projets les plus récents. Là récemment, je bossais sur le livre dont vous êtes le héros. Je vais peut-être mettre ça en pause maintenant que c'est à peu près cristallisé dans ma tête, pour finir quelques petits projets qui seraient assez rapides à finir. Je pense notamment à Nervure, qui va être un jeu de cartes avec pas mal d'éléments pour guider son impro dans Millevaux, puisqu'il y aura au verso des portraits de personnages, au recto vous allez avoir une question qui vous est posée, une question orientée, un type qu'on peut retrouver du style qu'on peut retrouver dans For the Queen ou Apocalypse World. Vous allez avoir une résolution sans dé. Ça, c'est un peu comme des choses qu'on trouve dans Itras B, c'est-à-dire que si vous avez, en fait, si vous jouez sans système de résolution, sans jeu en fait, tout simplement dédié, et que vous avez une situation conflictuelle à trancher, vous tirez une carte et en fait elle vous dit comment ça va se régler d'une façon. Enfin, à chaque fois une nouvelle méthode diceless de régler les situations. Ça peut être des trucs aussi bêtes que cette fois-ci c'est le méchant qui gagne, ou alors oui, mais il y a une complication. Puis il y a tout un tas de méthodes de résolution toutes plus baroques les unes que les autres. Et puis il y aura d'autres items, hein, dans Nervure. Vous allez avoir des lieux, des climats, des scénettes, des décors, et puis aussi des petites définitions en fait tirées du lexique de Millevaux, quoi, donc sur des aspects d'univers, quoi. Donc à chaque carte que vous tirez, vous avez un aspect d'univers. Je pense que je vais aussi prochainement finaliser Boissault, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de boulot à faire, quoi. Donc Boissault, c'est un jeu de rôle solo pour jouer dans Millevaux. Voilà, j'estime que ça manquait dans l'offre. Donc ça existe maintenant, il existe déjà, à l'heure où j'enregistre, il existe déjà en version brouillon, qui est déjà très jouable. Mais il y aura une version illustrée, donc, qui devrait sortir rapidement, j'espère, quoi. Et puis j'aimerais aussi apporter la dernière main à Lescente, donc qui est mon GN de Millevaux. Ça fait un an que je le teste. Je pense que là ça commence à être assez robuste, donc ça mériterait qu'on arrive sur une version diffusée, ou au moins envoyée en relecture, voilà, dans un temps proche. Et puis une semaine sur trois, je bosse sur des mini-projets, des petites tâches qui attendent d'être faites depuis trop longtemps. Alors, ça peut être parmi les mini-tâches, un petit peu de ménage sur le blog. Et puis, il devrait y avoir. J'aimerais bien remettre une dernière main sur un gros projet d'une série d'articles que j'ai sur les rapports entre jeu et narration, donc un petit peu de narratologie appliquée au jeu, quoi. Et puis également mettre à jour, là c'est un gros dossier quand même, mais j'aimerais bien mettre à jour toutes les playlists d'ambiance que j'ai sorties hein, pour mes différents jeux, parce que depuis j'ai réécouté énormément de musique, et donc je pense qu'il y a matière à... Enfin, j'ai pris plein de notes, il n'y a plus qu'à ventiler des liens sur les playlists. Sinon, il y a des versions brouillon des trois suppléments d'univers Ruine, Nature et Surnature qui sont sortis. Alors, les versions brouillon ont même été mises à jour plusieurs fois. Bon, je continue à prendre des notes. Voilà, mais je pense que déjà vous avez un énorme matériel pour gérer l'univers avec tout ça, quoi. Avec les versions brouillon de l'Atlas, Ruine, Nature et Surnature. Il y avait vraiment énormément de... Bon, c'est parfois un peu brut, hein, pour ce qui est ruine, nature et surnature, mais ça fait quand même énormément de choses à exploiter, quoi. Alors, au niveau des jeux de rôle, donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties, en fait, en 3 ans, que ce soit de mon côté ou du côté de la communauté. Donc je vais essayer de passer un petit peu rapidement sur tout ce qui est arrivé. Il y a eu des petits jeux, notamment Inforenza Comedia et Inforenza Bianca. Inforenza Comedia, c'est grosso modo, c'est un one page game qui donne une version diceless d'Inforenza, surtout pour jouer le côté esthétique. Mais également, vous avez Inforenza Bianca, c'est Inforenza réduit en un simple poème. C'est une sorte de jeu à une zippée, quoi, sous forme de koan zen qu'il faut un petit peu interpréter pour savoir comment y jouer. Et je suis allé encore un peu plus loin dans le minimalisme ludique, puisque j'ai sorti Milvaux Choc en retour, qui est donc un jeu Milvaux qui tient en une seule carte à jouer. Il doit y avoir 8 lignes de texte. Donc c'est vraiment le plus minimaliste que vous avez, c'est un jeu diceless. Et croyez-moi ou pas, mais ça fonctionne en fait. On a vraiment l'essentiel, les 6 paradigmes, et puis donc une méthode de résolution assez simple qui consiste à dire que quand un personnage veut accomplir quelque chose d'important, eh bien, en fait, il va y avoir une contrepartie négative juste après, quoi. Il n'y a pas forcément un choix ludique à faire pour le personnage, comme dans Inforenza Minima. C'est juste que dès qu'il fait quelque chose d'important, eh ben juste après, il y a un choc en retour, quoi. Parce qu'on joue en quelque sorte des personnages maudits. J'ai également sorti un jeu dont je suis assez content, c'est L'Empreinte. Donc L'Empreinte, c'est un petit jeu, hein, il est d'abord sorti dans un magazine, les fameux Chroniques d'Altaride. Et donc c'est un jeu Milvaux essentiellement pour jouer le phénomène de l'emprise. Ça fait pour faire des one-shots, ça se joue en 4 actes où la situation va empirer de plus en plus. Voilà, je vous conseille d'y jeter un œil. C'est une sorte de hack de Innommable où j'ai essayé de faire ma version. Enfin, c'est à la fois un hack de Innommable et de Cthulhu hack où j'ai repris les choses que j'aime dans ces jeux et où j'ai réparé entre guillemets ce qui me posait problème. Il y a vraiment une ambiance désespérée qui se dégage dans ce jeu, puisque les PJ doivent lutter contre une force mais qui clairement les dépasse, quoi. Ils vont juste pouvoir sauver quelques meubles. Alors également, alors tout ça participe de la diaspora. Donc la diaspora, c'est l'idée de designer de moins en moins des jeux de rôle dans l'univers de Milvaux et aller de plus en plus vers le design de bah, d'autres, aller vers d'autres formes ludiques, voire même d'autres formes médiatiques, hein. Et donc les forêts mentales, c'est un système pour jouer à Milvaux par mail ou par forum, quoi. Donc j'ai essayé de réactiver la nostalgie que j'avais du jeu de rôle par forum, mais en étant conscience des limites du média, notamment une certaine lenteur, la difficulté à gérer les désistements aussi des joueuses, quoi. Et donc j'ai essayé de fournir un système de résolution qui soit vraiment nerveux, qui permette de jouer vraiment sans attendre la réponse des autres. Donc c'est du 100 MJ, hein, vous l'aurez compris. Qui fait que chaque message, dans chaque message, l'histoire avance vraiment vite. Et en même temps, on reste en connexion avec l'histoire des autres, c'est très lié, quoi. Donc voilà un format assez nerveux. On s'engage sur une durée limitée, généralement c'est 1 mois, et puis on évite de saturer les autres, généralement en s'engageant aussi sur une fréquence de message qui est généralement de 0 à 1 par jour, et c'est fait pour qu'on puisse jouer même si quelqu'un est muet pendant une semaine, quoi. Voilà, j'ai fait quelques tests qui avaient vraiment une belle qualité d'écriture, donc je suis vraiment assez content de ce format. Je vous invite à tester, voilà, si vous préférez jouer en textuel, quoi. Hop. Il y a un petit texte aussi qui est sorti qui s'appelle L'Apocalypse selon Milvaux. Vous avez aussi une lecture audio par Claude Ferry. En fait, c'est une sorte de texte, une sorte d'évangile perdu qui annonce Milvaux. Elle aurait très bien pu être rédigée eh bien, au moment, dans les temps bibliques. Hein. Et en fait, je considère aussi que c'est en même temps une sorte de jeu parce que l'idée, c'est qu'on pourrait se faire un délire à jouer des PJ, soit de l'Antiquité, effectivement, qui essaye d'empêcher Milvaux, hein, des espèces de chrétiens ou de juifs illuminés qui essayent d'empêcher Milvaux au nom de Dieu, quoi. Plus rigolo encore, je pense que ce serait intéressant de jouer ça dans notre époque contemporaine où en fait il y aurait des millénaristes qui, inspirés par ce texte, eh bien mettraient en œuvre une lutte contre les pécheurs qui vont provoquer Milvaux en tant que punition divine. Mais sauf qu'une interprétation un peu trop littérale du texte pourrait clairement vous amener à jouer des exorcistes. Un peu frappadingue. Bah d'ailleurs, l'Apocalypse selon Milvaux existe également comme texte d'ambiance pour le jeu de rôle Les Exorcistes de Batronoban. Alors, il y a également un jeu campagne qui est sorti qui s'appelle Selakanth. C'est vraiment très trash. C'est un hack en fait de mantra et carcère, donc les jeux oniriques de Batronoban. Où en fait on est plongé dans des cauchemars, en fait on se joue nous-mêmes, et on est plongé dans des cauchemars teintés de Milvaux, de plus en plus gore, avec, enfin, y a pas mal de sexe aussi, et beaucoup de fantasmagorie, quoi. C'est une espèce de course contre la montre dans un univers complètement fou, avec une méthode de scénarisation que vous trouverez peut-être un peu originale, qui s'appelle le scénario en matrice, Aussi bien le jeu est quand même effectivement assez trash, autant il y a énormément de mesures de sécurité émotionnelle qui sont prises. On peut clairement, finalement, on peut adapter le jeu et le faire jouer à des joueuses qui sont pas trop amatrices de trash. Ça fonctionne très bien si on utilise les méthodes de sécurité émotionnelle qui vont bien. Voilà, donc je vous invite à découvrir à nouveau. Alors il y a eu des petits pics au game Milvaux, notamment la fin du règne, je vous en parle pas trop. Il y a eu un petit jeu solo qui est sorti aussi qui s'appelle Magneto Milvaux. En fait c'est un jeu à jouer de préférence avec un Magneto ou un téléphone portable pour vous enregistrer. En fait, vous enregistrez votre périple en solitaire dans Milvaux, quoi. Donc ça peut être joué sous format GN, ça peut être joué aussi à la maison juste avec une méthode d'enregistrement. Voilà, c'est un jeu solo qui peut peut-être vous intéresser. Donc j'ai déjà évoqué Les Santes et Bois Saules. Également, il y a un petit jeu qui est sorti qui s'appelle Oriente. Donc Oriente, c'est un hack de For the Queen. Donc concrètement, c'est un jeu qui consiste en une pile de cartes questions qu'on va se poser à tour de rôle. Et on joue des personnes qui suivent en fait un guide à travers la forêt. Et la dernière question qui va clôturer le jeu, sachant que les questions d'avant ont énormément redéfini les rapports qu'on pouvait avoir avec le guide, qu'est-ce qui se passe sur le chemin, les rapports entre les personnages. Et à la fin du jeu, en fait, la question c'est continuez-vous à suivre le guide, sachant en fait ben, tout ce qui s'est passé précédemment, quoi. Je pense que c'est un excellent jeu si vous voulez tout simplement faire de l'initiation à Milvaux, quoi. Puisque bon, comme tout jeu For the Queen, tout jeu Descended by the Queen, ben, il est très très facile d'accès, quoi. On a fait quelques parties, il y a pas mal de. J'ai sorti quelques comptes rendus, hein, quand même. Donc je suis assez content de ce que propose le jeu. Alors je check s'il n'y a pas des jeux Milvaux que j'aurais oublié de ma plume. Si, il y en a un quand même important, c'est Little Chiminville. Donc concrètement, Little Chiminville, c'est au départ un endroit dans Millevaux, c'est une espèce de ghetto immeuble bidonville au milieu de l'Allemagne de Millevaux, au milieu de la forêt. Et ce ghetto a pour particularité d'être essentiellement peuplé d'une population asiatique, ou plutôt pan-asiatique. Et dedans, en fait, c'est une ambiance très cyberpunk, biopunk. Donc là, il y a plus de technologie qu'habituellement dans Millevaux, quoi. Mais c'est une technologie toute crado, bien sûr vérolée par l'Emprise et par les Grégor et les Orlas, quoi. Vous allez découvrir quelque chose de vraiment déroutant qui va vous changer du Millevaux habituel, hein, puisque on a le côté asiatique et le côté cyberpunk extrêmement présent. Alors c'est à ma sauce, hein, ça va pas du tout être du cyberpunk habituel, c'est complètement halluciné, c'est très très organique aussi. Les thèmes habituels de Millevaux, tels que l'oubli et la ruine, sont abondamment traités. Vous allez en fait, Little Chiminville est d'abord sorti comme supplément pour le jeu de rôle The Sprawl. Donc The Sprawl, c'est un jeu de rôle cyberpunk propulsé par l'Apocalypse. Et normalement, d'ici quelques temps, c'est-à-dire à un an après la publication de Little Chiminville comme supplément pour The Sprawl, je devrais vous sortir la version brouillon de mon propre jeu Little Chiminville. C'est aussi un propulsé par l'Apocalypse, mais avec un système plus léger que celui de The Sprawl, quoi. Et bon, évidemment, plus personnel également. Et puis bon bah évidemment un jour ou l'autre on passera de la version brouillon à une version définitive. Mais la version brouillon est déjà correctement jouable, je dirais. Il y a même eu un test extérieur qui a été fait, donc c'est encourageant. Autre jeu Milvaux qui est sorti tout récemment, c'est Mycorhize. Mycorhize, c'est un jeu en une page qui va vous permettre de jouer à Millevaux à deux en utilisant en fait les réseaux sociaux ou les SMS. Donc voilà, c'est une autre forme de jeu textuel. Je considérais que les forêts mentales n'étaient pas adaptées à ces supports, hein, puisque quand on joue par réseaux sociaux ou par SMS, il faut pouvoir faire des messages assez courts et puis peut-être on peut avoir envie par contre d'en faire plusieurs par jour. Donc Mycorhize est beaucoup plus adapté. Pareil, vous allez retrouver des comptes rendus de partie, donc vous pouvez faire quand même une bonne idée de comment fonctionne le jeu. Pour y avoir testé par SMS, c'est vraiment très très rigolo de pouvoir y jouer. Jouer par SMS, c'est assez grisant, vous pouvez jouer n'importe quand, en filigrane de votre journée, quoi. Et c'est assez rigolo de attends, quand est-ce que je vais recevoir un message? Qu'est-ce que je vais répondre? C'est un côté jeu pervasif qui est vraiment intéressant, quoi. Encore plus que si vous jouez par réseaux sociaux. Je précise aussi que Orient est sorti en anglais, hein. Donc sur l'application For the Drama, qui recense les jeux Descended by the Queen en français et en anglais. Donc ça c'est tout pour les jeux dont je suis l'auteur, et je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant on va essayer de passer en revue un petit peu les jeux qui ont été sortis par la communauté, parce qu'il y en a eu beaucoup. En fait, il y a 3 ans, il n'y en avait que 5 que j'ai exposés dans l'enregistrement précédent. Et depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties. Je vais essayer de les passer en revue un peu rapidement, quoi. Premièrement, il y a eu le jeu de rôle Colonel Gothic, donc, qui est sorti chez Batro Games. C'est une adaptation d'un jeu américain. Et donc cette adaptation se passe pendant la guerre franco-anglaise, donc une guerre de colonies au Canada, en fait, enfin au Canada, au Canada, donc je crois que ça se passe au 18e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, en fait, Milvo est transporté dans un contexte à nouveau très différent, puisque ça se passe en fait dans le Québec de l'époque des guerres coloniales. Et c'est traité en fait non plus comme quelque chose de recouvrant, mais comme une menace insidieuse en fait qui émane de la forêt et qui menace à la fois les Amérindiens et puis les colons. Il y a une magnifique campagne signée par Bartry Kitoff qui s'appelle Abîme, hein, pour le jeu Colonial Gothic, qui montre vraiment une belle appropriation de Milvaux, quoi. Alors également, il y a eu un jeu de rôle système agnostique qui s'appelle Milvaux Renaissance, donc il n'y a pas vraiment de système, qui est sorti aux éditions Stella Maris, donc c'est de la plume de Michel Poupard. Et donc là, vous allez jouer des âmes réincarnées, en fait. En fait, généralement, on joue d'abord des PJ rapidement qui vont rapidement mourir et qui vont ensuite se réincarner. Mais au passage, généralement, ils sont manipulés par les puissances qui leur ont permis leur réincarnation, qui vont leur obliger à faire des missions et tout. Donc on va voir s'ils font les missions ou s'ils essayent de reprendre leur liberté. Et donc ça peut être aussi vu comme un petit supplément pour Milvaux au seuil de la folie. Mais je pense que vous pouvez très bien l'adapter à un autre jeu Milvaux, il n'y a pas de souci. Il y a eu également un supplément, donc Manon et Simon Lee ont sorti un supplément Milvaux pour leur jeu Terre de Sang, donc qui s'appelle sobrement Terre de Sang et Milvaux. Donc l'idée c'est que donc Terre de Sang c'est un jeu où on joue des colons qui vont explorer une terre vierge. Qui va en fait leur renvoyer leur histoire personnelle, enfin une espèce de dilemme moraux à base d'une magie un petit peu liée à l'histoire et à la psyché des personnages. Et donc là concrètement, le supplément explique comment jouer en fait des colons qui débarqueraient dans Milvaux, quoi. Comment adapter à ça à Milvaux. Donc à nouveau il y a des comptes rendus de parties qui sont sortis, c'est vraiment intéressant. On retrouve les dilemmes moraux de Terre de Sang. Ensuite, on a eu les murmures de Shum-Niggurath. Alors, les murmures de Shum-Niggurath, c'est assez particulier, puisqu'il y a d'abord une première version qui était sortie. C'était plutôt un brouillon qui avait été sorti par Arjuna Khan. Et en fait, Claude Ferry a repris le jeu des années plus tard et en a fait une version un peu plus jouable. Les murmures de Shum-Niggurath, c'est, on va dire, plutôt un story game qu'un jeu de rôle. Et c'est un jeu où, en fait, on va suivre. Grosso modo, la conception, la vie et la mort ou la chute ou la retransformation en humain d'un Orla, quoi. Donc qui est tiraillé entre des forces mystiques contraires, en fait, qui essayent de s'accaparer sa forme, de le façonner à leur guise, quoi. Donc voilà, une ambiance très particulière. Bon, je vais peut-être arrêter de le dire, mais il y a des comptes rendus de partie. Bon, il y a des comptes rendus de partie pour la plupart des jeux que je cite, hein. Il y a quelques exceptions, hein, quelques jeux qui n'ont pas de compte rendu de partie, mais la plupart en ont. Ensuite, on a eu un jeu qui a connu deux éditions successives assez rapidement, donc c'est un petit jeu amateur qui s'appelle Sève. Sève, au départ, c'est un jeu qui a été conçu par Gabriel Ferry, donc qui était collégien à l'époque, et qui voulait justement avoir un jeu Milvaux pour pouvoir y jouer. Dans la cour de récré, c'est une sorte. Et ensuite, il y a une réédition par Gabriel et son père Claude Ferry, qui est peut-être un peu plus jouable, enfin, elle est moins brouillon que la première. Et Sève 2, c'est une sorte de hack d'un jeu qui s'appelle Fripouille, dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est grosso modo un petit peu aussi un hack de In Forensia Minima ou Terre de Sang, je dirais. Notre personnage va être défini par des objets mémoriels qu'il porte, et en fait, il va y avoir une scène d'adversité dans la partie, quoi. C'est généralement c'est ça. Il y a une scène, tu fais une partie d'une heure, et pendant l'heure, il y a une adversité. Et en fait, pour pouvoir gérer cette adversité, tu vas devoir utiliser certains de tes objets mémoriels, plus t'en utilises, mieux c'est. Et ensuite, il y a un dé à lancer, et si le résultat n'est pas assez bon, et que tu veux quand même surmonter l'adversité, tu vas devoir sacrifier tes objets mémoriels et donc ta mémoire, quoi. Donc, voilà, c'est un mini-jeu assez. J'ai joué une fois avec Claude, un animateur. C'est vraiment troublant ce côté de devoir sacrifier sa mémoire pour sacrifier des objets chers, tu vois, pour pouvoir s'en sortir. Ça faut aussi évidemment penser à Arbre, auquel les fées ont beaucoup joué. Hein, donc je pense qu'il y a le lien évident. Alors ensuite, on a eu tout un bouquin qui s'appelle Le Chanvre Noir, qui est de la plume de Michel Poupard à nouveau. Et là, c'est un mélange de mini-jeux de rôle, Milvaux, de scénarios, de contextes, de nouvelles, donc il y a plein de choses. Ça aurait été, Michel est assez prolifique, donc ça aurait été compliqué de sortir tout ça un par un. Donc on a préféré faire un recueil, quoi. Donc jetez-vous-y, quoi. Bon, Michel Poupard a une vision très fantasy, en fait. Fantasy ou des fois un peu SF old school. De Milvaux, il met pas trop en scène la forêt, mais bon, il y a d'autres trucs qui sont plus mis en scène, tels que les Orlas et l'Oubli, donc c'est intéressant à les voir. Ensuite, il y a eu un mini-jeu qui s'appelle Une histoire de souvenirs perdus. C'est une sorte de participation avortée au Game Chef par Valentin T. Donc, à nouveau, un petit jeu sur l'Oubli. Le jeu est un peu. Enfin, c'est un Google Doc, c'est un brouillon, donc il y a sans doute peut-être besoin de patcher un petit peu pour pouvoir y jouer. Mais bon, après, ça reste un jeu de Valentin T, donc avec des gameplays toujours intéressants, donc il faut aller voir quoi. Un jeu plus conséquent, ensuite, ça a été Fripouille par Claude Ferry. En fait, Claude Ferry n'était pas tout à fait satisfait de. Il voulait faire de l'OSR, il a joué un peu à Écorce d'abord, mais il n'était pas tout à fait satisfait du jeu, ou en tout cas de la version brouillon qui était proposée. Je pense, à mon avis, un petit peu trop crunchy pour lui, quoi. Et donc il a fait une adaptation d'un jeu OSR qui s'appelle Knave, qui est un jeu OSR qui se veut assez simple, assez nerveux quoi. Et donc Fripouille est donc une adaptation de Knave à la fois en français et dans l'univers de Milvaux. Donc voilà, si vous voulez un jeu OSR simple, bah, c'est vraiment l'idéal. Vous avez une création de perso très facile à faire par des tables aléatoires. Il y a quelques petits conseils pour mettre en scène l'univers, quoi. Et je pense que maintenant qu'il y a des tables aléatoires qui fleurissent par ailleurs, et surtout même quand il y aura Nervure qui sera sorti, je pense que Fripouille va vraiment être intéressant à jouer, quoi. Ensuite, une petite parution, mais vraiment qui va vraiment vous étonner. Il s'agit de The Garden of Earthly Delights, le jardin des plaisirs terrestres, hein, pour connaître le titre en français. Et c'est un jeu qui a été créé par un Sud-Coréen qui s'appelle Mori. Et c'est un hack en fait d'Inforenza Minima. Il se trouve que Mori a découvert Inforenza Minima un peu par hasard, quoi, en naviguant sur le net avec Google Translator d'activer, quoi. Et il a apparemment flashé sur le jeu et donc il en a fait une adaptation, quoi. Donc on peut considérer que c'est un jeu Milvaux, hein. Alors le petit souci que je peux, c'est que je ne peux pas vous dire grand-chose sur le jeu. Parce que pour tout dire, le jeu est en coréen. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le jeu est en coréen. Et donc, bon, si on fait un Google Translator pour avoir une version anglaise ou française, c'est pas très compréhensible. De ce que j'en ai compris, c'est que ça se base sur le taipan, qui est une façon particulière de jouer au jeu de rôle qui existe au Japon. Ça se joue à deux en fait avec l'OMJ qui incarne un personnage, mais surtout un personnage guide. Donc c'est un côté très jeu initiatique. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le jeu. Apparemment, il y a des fins possibles aussi. Vraiment, je rêverais d'une. Bon, Maureen m'avait promis une traduction en anglais de The Garden of Earthly Delight. Bon, voilà, mais il n'a pas, ça fait longtemps qu'il m'a pas donné ses nouvelles, donc je suis pas certain qu'on puisse l'espérer, hélas, quoi. Ensuite, il y a eu le jeu de rôle Charogne, donc qui est à nouveau un jeu de Claude Ferry, qui va se concentrer beaucoup sur l'emprise. Et c'est aussi un jeu vraiment désespéré, puisqu'en fait, il est inspiré des différentes étapes de décomposition des cadavres et associé à une discipline tibétaine, enfin, bouddhiste, qui consiste à renoncer, en fait, à accepter la venue de la mort et à renoncer un petit peu à toute enveloppe charnelle, à tout plaisir, et même à toute souffrance terrestre, quoi. Donc, c'est vraiment un jeu pour expérimenter la perte et la décrépitude. Il y a des parties enregistrées qui sont sorties où, en fait, ça se passe en plus dans un contexte assez tragique, puisque c'est un mélange de mille veaux et puis vous savez, la tragédie des Khmers rouges, en fait, les massacres perpétrés par les Khmers rouges. Donc, un jeu vraiment dur, mature, quoi, qui mérite quand même le coup d'œil. Plus récemment, Trikitoff a sorti, donc l'auteur de Abîme, la campagne pour Colonial Gothique, a sorti un jeu qui s'appelle Milvaux Air Forestière, qui est en fait un petit jeu traditionnel. Donc vous avez des carracks, vous avez des traits, vous avez un MJ, des compétences aussi. La particularité, quand même, c'est que c'est pas un jeu à scénario, c'est un jeu où le MJ doit improviser beaucoup. Et donc Trikitov donne ses méthodes d'improvisation. Donc c'est un peu un chaînon manquant, parce qu'il y a pas, il y avait Milvaux, à part Milvaux X, il n'y avait pas beaucoup d'offres tradies, en fait, pour Milvaux. Donc Milvaux Air Forestière vient clairement combler ce manque. Ensuite, Claude Ferry a sorti un autre jeu qui s'appelle Dégringolade. Alors Dégringolade, c'est cette fois-ci un jeu concentré. Un jeu qui se concentre sur l'oubli, mais à l'inverse des Remémorants, où clairement. Enfin, ce qui était marrant dans les Remémorants, c'est qu'on essaie de retrouver ses souvenirs et puis ça s'avérait pas forcément une bonne nouvelle. Là, ça fait un exact miroir aux Remémorants, où en fait, on se rend compte que perdre ses souvenirs, c'est à la fois inéluctable, mais en même temps une condition essentielle au bonheur. Donc c'est un jeu sur l'oubli, voilà, qui adopte un angle tout à fait intéressant. Je vais ensuite, et pour terminer, avec le florilège des jeux Milvaux, évoquer deux jeux, en fait, qui sont pas à proprement parler des jeux Milvaux, mais qui mentionnent Milvaux dans leur influence et qui peuvent être effectivement très facilement de jouer dans l'univers de Milvaux. Tout d'abord, il y a Solitude de Batronomant, qui est un jeu, en fait, où avec un MJ, une joueuse, qui est vraiment fait pour jouer justement la quête solitaire d'un personnage. C'est assez désespéré. Voilà, je vous conseille de jeter un œil. Et puis un petit jeu qui a été finaliste au Game Chef cette année. Qui pour moi est un vrai coup de cœur, c'est la stèle au cœur des plaines de notre ami Com Martin, qui se situe en fait dans une ère post-apocalyptique, post-soviétique. Voilà, je vous conseille également le coup d'œil. Et je vais m'arrêter là avec le panorama, parce que c'était déjà très long, et je vous souhaite une bonne exploration forestière. À bientôt.